Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel, il est très exactement 14h pile là, à la pendule de Radio Arc-en-ciel, ou à ma montre plutôt. Voilà, on va commencer par les publicités, c'est l'heure, c'est 14h en semaine. Et ensuite, on ira voir le cocktail coloré jusqu'à 16h. On allait écouter plutôt pour voir, non. Et encore pas la télévision dans les studios de Radio Arc-en-ciel. Ça va peut-être venir, on sait jamais. Eh bien, voici donc la publicité. Les établissements Mariano aux caves du Portugal, un rhume de l'orme gâteau à ses mois, organisent une tombala pour la fête des mères. À partir du 18 mai, nos clients pourront participer à celle-ci et jusqu'au 7 juin. Un panier garni sera offert aux heureux gagnants. Le tirage au sort sera effectué le 7 juin à midi. Nous souhaiterons une très bonne fête des mères à toutes les mamans. Et je pense que la fête des mères, c'est passé. Hein. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous ? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Bienvenue au restaurant Polo et Marie. Dès le 2 juin, le restaurant réouvre ses portes et met en place toutes les mesures de distanciation et les mesures sanitaires pour assurer votre sécurité. Il est temps de redécouvrir la savoureuse cuisine proposée par votre restaurant Polo et Marie. En famille, avec vos amis, venez profiter de la gastronomie portugaise dans un cadre convivial et chaleureux. Le restaurant Polo et Marie met tout en œuvre pour vous garantir de passer un moment agréable tout en assurant votre confort et votre sécurité. Alors n'hésitez plus et réservez dès maintenant votre table. Le restaurant Polo et Marie, 39 rue André Dessau à Fleury-les-Aubrais. En attendant de vous revoir, le restaurant assure toujours un service de livraison. Alors, qu'attendez-vous ? Eh bien, on va démarrer cette émission de Cocktail Coloré de ce lundi 8 juin 2020. On arrête Erika, s'il vous plaît, Erika, merci. On va écouter, pour commencer, Le Village Mort par Tino Rossi et l'orchestre de Pierre Spears. Sable blanc d'un paysage désolé qui se meurt, reste gris d'un vieux village qui connut tant de douceur. Dans ce coin de pays rude où jadis l'on s'est aimé, il n'y a que solitude, de la pierre au lieu de blé. Ce hameau du fond du monde, cependant portait un nom. Ce nom tournait comme une ronde de filles et de garçons. Sable blanc d'un paysage désolé qui se meurt, il ne reste du village que du vent et de la peur. Comme le sang rouge, bleu comme un appel de Dieu. Cette fleur du fond du monde, cependant portait un nom. Ce nom tournait comme une ronde de filles et de garçons. Elle s'appelle mon enfance, se souvient de souvenirs. Elle saigne de souffrance, mais sourit à l'avenir. Eh bien, on va continuer par le prochain. Et ce sera Red Acker qui nous interprète Guitare d'amour. Très connu, bien sûr. Red Acker. Ça, c'est pour les anciens. Hein. Un peu faible, mais j'y peux rien, malheureusement. Va lui chanter pour moi la chanson de mon rêve. Guitare d'amour, pour être heureux, le temps est si court. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Chante. Dans la forêt, l'oiseau t'écoute frileux. Chante, le vagabond suspend sa route joyeux. Chante, la lune rit dans la nuit brune. Et le vent siffle sur la dune, l'ardent refrain des amoureux. Apporte-lui l'écho des beaux jours, dont le soir en émoi va lui chanter pour moi la chanson de mon rêve. heures d'amour pour être heureux, le temps est trop court. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Dis-lui qu'il faut savoir laisser surprendre son cœur par le frisson d'un doux et tendre bonheur. Du sort joyeux, il faut comprendre l'appel charmeur. Guitare d'amour, dans le déclin doré d'un beau jour, à son cœur en émoi, va fredonner pour moi la chanson de mon rêve. Et on continue avec Luis Mariano, et ce sera Mon village au soleil. Dans mon petit village, on n'est peur de rien, n'est pas la vie en cage, moi je m'y trouve bien. Dans le cœur pas de nuage, du soleil plein. Passe les jours, passe les nuits, en tournant le cœur à Paris. Dans le village où je suis né, on ne met pas le ciel de côté. Camille Ruisseau, pour par petit bon, s'est posé dans le cœur au fond du ballon. Drôle de vie de ville, moi je peux pas vous dire, ça fait impression. Quand des petits oiseaux m'offrent des couplets, comme les Parisiens n'en auront jamais. Je me dis, soyons sages, je reste dans ce village, il y a tout à gagner. Sur les toits gris de la grande cité, se sont assis les nuages. Quand on lui ferme la porte au nez, le printemps n'ose plus se montrer. Dans mon petit village, il y a une jolie maison qui s'est fait un corsage avec des liserons. Elle n'a pas 20 étages, mais à la belle saison, il faut la voir se pomponner, c'est d'accord avec le mois de mai. Tous les années, comme un vieux beau, il vient la couvrir des cadeaux. Et quand le dimanche, au bal du pays, mon village danse et mon cœur aussi. Drôle de vue de ville, moi je peux pas vous dire tellement c'est joli. Quand deux amoureux, tout en rougissant, mêlent dans leurs yeux toutes les fleurs de chance, je me dis soyons sages, restons au village, restons si longtemps. Restons-y longtemps. Et on se dirige vers l'accordéon d'Yvon Franchet, et ce sera Bravo l'Espagne. Eh bien, on continue avec Guy Marchand, chanson de ma jeunesse. Moi, je suis du temps du tango, où même les durs étaient dingos, de cette fleur de guinche exotique. J'y perdais leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Je me clair, chemise blanche, dans le sous-sol du Mikado. J'en ai passé des beaux dimanches, des belles venaient en avalanche, et vous offraient comme un cadeau. Rondeur de sein et de l'ange, pour qu'on leur fasse danser le tango. Pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Et dames, quand on a travaillé, 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Si par hasard, sans manière, le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. Parce que les femmes ont pu me plaire, parce que j'ai pu, j'étais si beau. Pouvoir faire marche arrière, comme on le fait pour danser le tango. Les tangos, il y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta. C'est si joli quand on le chante, surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins des balles, tout un manège d'étoiles filantes. Voilà, c'était plus Valentine, c'était plus Loulou ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Oeil de velours et main câline, parce que j'aimais danser le tango. Mais doucement passent les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mots mêlées, je t'aime. On laisse la place, c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón, en espagnol dans les tangos. Et dans mon cœur, ce mot résonne. Et sur le boulevard en automne, en passant près du Mikado, je ne marrais plus mais je fredonne. C'était battre le temps du tango. Pascal Loubersac et son accordéon. Et ce sera Fofolle Marche. Et on part dans le midi maintenant. Allez, Zoubou, chante. Allez, Zoubou, chante. Ah ben voilà. Arrêtez tous vos boniments, je vous demande de vous taire. Mon vieux chichois, c'est le moment de nous montrer ce que tu sais faire. Regarde, tout le monde attend que tu pousses ta chansonnette. T'es vraiment un type épatant, tu n'es pas une grande vedette, mais tu fais tellement plaisir. Allez, Zou, nous fais pas languir. Chante. Chante pour moi, chante pour nous, chante pour eux, ça je m'en fous, mais chante. Celle que tu chantes si bien, seulement le petit refrain. Chante. Chante Pigalle ou la Tosca, le maître à bord, la Traviata, Zou chante. Allez en douce. Oui, vas-y, pousse ton petit refrain. Mais un jour, il s'est décidé, et sans me faire plus de manière, du coup, il se mit à chanter, puis pendant des journées entières, il chantait pour tous ses amis, dans les bistrots et dans les fêtes. Mais les gens qui parlaient de lui disaient peu cher, il perd la tête. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que ce fada, c'était moi. Depuis, je chante pour les amis, pour les copains, sans arrêt du soir au matin. Je chante. Je chante par-ci et par-là, et quelquefois aussi pour ça. Chante. Tout en fredonnant des chansons, on fait bâtir des cabanons. Je chante sans faire de mousse. Doucement je pousse mes petits refrains. On danse au Balajo avec Yvon Franchet. Thank you. une valse par Pascal Louberzac et ça s'appelle L'inattendu. Ce rêve était charmant. c'est charmant. Vous avez reconnu, bien évidemment, Tino Rossi, Un songe avant l'aurore. Et on va continuer avec Yvon Franchet, et cette fois-ci, à l'accordéon, bien sûr, ce sera le tango des fauvettes. Taisez-vous, taisez-vous. Ah, décidément, ça marche tout seul. Hein. Ça fonctionne tout seul. C'est le progrès. On revient à la chanson avec Jairo et les jardins du ciel, bien sûr. Il y a longtemps, quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de plus loin. Il disait que la vie, que le monde était en danger. Il faut s'en aller, disait-il. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé sous un nouveau soleil. Ils l'ont chassé loin du village. Pourtant, ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait « On est arrivé dans les jardins du ciel. » Jacqueline François nous interprète maintenant la complainte des infidèles. Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Bonnes gens, c'est le refrain des filles cruelles. ni serment, trompés par leurs amants. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles, ils se sont vengés victorieusement. En souffrez, mes tourterelles, vous voici en peine d'amant. Des inquiétudes mortelles, c'est vous qui connaîtrez le tourment. Répandez vos jolies larmes, oui, pleurez, c'est bien votre tour. Vous avez dû rendre vos armes, et l'amour est mort, vive l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi. La chanteuse qui suit, qui s'appelle Stella, non pas Stella, hein, Stella, sur une musique très connue, vous allez certainement reconnaître, je dois le dire, un air du folklore auvergnat. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie d'écouter jouer sur un crin-crin un vieillard du folklore américain. Aussitôt je me vois déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau. Et cette fois, c'est la vraie, chez l'autre. Si nous nous marions, c'est pas Venise que nous choisirons, car les l'école, ça ne vaut rien pour les airs du folklore américain. Je voudrais tellement qu'il soit aussi sentimental que moi. Au bord du Mississippi, nous pourrions passer notre vie. Je sais, c'est que nous avons une vedette surprise. Depuis hier, par un coup de fil, je sais qu'elle revient, qu'elle est en pleine forme, qu'elle nous a réservé sa rentrée sur les ondes de la télévision française. Et c'est là! Make sure. C'était Pépito par Yvon Franchet. Et on va continuer avec les chansons, les beaux dimanches de printemps par le chanteur sans nom. Rappelez-vous, je parle aux anciens bien sûr. Beau dimanche de printemps, quand on allait à Robinson, danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens, dans les guinguettes comme on chantait, le cœur bercé de doux refrains. J'étais grisé de mon bonheur, grisé d'air pur et l'on rentrait, les bras chargés de jolies fleurs, comme je t'aimais, comme on t'aimait. Des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, mais ce beau temps est bien passé. Sans un baiser, d'un air distrait, tu me dis adieu toujours pressé. Alors je vis du souvenir des soirs d'été où l'on faisait des rêves fous pour l'avenir. Comme je t'aimais, comme on s'aimait. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, comme il est loin ce joli temps où je chantais comme un pinson. J'ignorais tous les trahisons, la jalousie, la voix qui ment. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Les sœurs Étienne, maintenant, les sœurs Étienne vont nous interpréter le cocher de fiacre. Dans la nuit s'en vont tout doucement un cocher de fiacre et sa jument. Et la pluie qui tombe en se moquant, goutte à rose gentiment. Le cocher sur son banc, la jument par devant, et la rue qui a perdu ses passants. Un cocher de fiacre et sa jument, la pluie s'en vont sans un client. Claque, claque, claque ton fouet sur le dos de ta rosse. Aujourd'hui, les temps sont mauvais quand on est cocher de carrosse. Le cocher tout là-haut sur son banc rêve à 18 tonneaux de vin blanc. La jument qui s'en va par devant rêve à de jolis sabots d'argent. Sans se douter pourtant que la lune en jouant lui fait une crinière de diamant. Ah, se dit le fiacre en se traînant, on a l'air idiot sans un client. Roule, roule, cabriolet, tu n'es déjà plus à la panne. Ton cocher, ta jument, ton fouet sont pour nous vieilles aimants. Vieux cocher, ton fiacre carottant s'est laissé dépasser par le temps. Toi-même, au trou de ta jument, tu n'as pas vu passer tes 20 ans. Tu partiras pourtant, et l'on saura vraiment que c'était toi le dernier de ton temps. Dans la nuit, doucement, un cocher de fiacre et sa jument. Un cocher de fiacre et sa jument. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. 15h03 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, tout au moins à ma montre. On continue, bien sûr, c'est pas un jeu. On continue avec Mouloudji, et ce sera Rue de l'App. Les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté comme ça, par des danseurs de Java, comme ça. Rue de la peau, autant joyeux, où les frappes étaient chez eux. Rue de la peau, en ce temps-là, à petits pas on dansait la Java. Les jeunes portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés, avec de belles flaquettes qui descendaient jusqu'au nez. Rue de la peau, c'était charmant. Rue de la peau, mais plus prudent. Rue de la peau pour les enfants, de les emmener ce soir-là au ciné, plutôt que d'aller se faire assassiner. Passez la monnaie, ça tournait. Et plus ça tournait, plus ça tournait, plus ça coûtait. Qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait? Quelques tickets. Mais on ne payait presque jamais. Ceux qui ne sortaient pas de polytechnique, pour la politesse avaient leur technique. Avec les gonzesses, c'était un coup de trique, qui discutait politique, comme ça. Rue de la peau, on rencontrait une frappe qui revenait. Rue de la peau pour respirer un peu d'air frais de ce bon vieux quartier. Il laissait à la Guyane son bel ensemble rayé pour cueillir le cœur de ces dames comme une poire au poirier. Rue de la peau, c'était parfait. Rue de la peau, oui mais, oui mais. Rue de la peau par les poulets. Un soir de rap, il se faisait cueillir. Pour la Guyane, il devait repartir. Passer la monnaie, ça tournait. Pendant que ça tournait, on l'emmenait. Et ça lui coûtait quelques années. Mais il ne faisait presque jamais. Rue de la peau quand il revenait. Rue de la peau, il recommençait. Et on on retrouve Jacqueline François, Quand Sylvie chantait. Quand Sylvie chantait, que voici. Quand Sylvie chantait, le printemps revenait, ses chansons faisaient les mois de mai. Sa voix ressemblait au chant de la forêt, sous la brise, quand Sylvie chantait. Et c'est pour cela que j'en ce matin-là, en rêvant, écoutais sa chanson. Quand Sylvie chantait, ses cheveux blonds au vent, si légère dans ses voiles blancs, imaginait des voiliers partant clair sur la mer lorsque Sylvie dansait. Il faut, pour comprendre qu'on aime, être assez grand. Et Jean ne le sait pas lui-même, il a 15 ans. Quand Sylvie riait de son rire éclatant, plus joyeux qu'un soleil de printemps. C'était si joli que l'enfant ébloui soupirait lorsque Sylvie riait. Sans le voir, Sylvie s'en allait dans la vie de son même pas triomphant. Et le petit Jean était bien assez grand pour souffrir comme souffre un enfant. Mais Sylvie chantait et tout recommençait, ses chansons faisait les mois de mai. Par enchantement s'envolait son tourment, simplement lorsque Sylvie chante. Quelqu'un m'a appelé au téléphone, malheureusement, j'ai dit allô, mais il n'y avait personne. C'est pas grave, on va continuer avec, je vous laisse quelques instants, quelques minutes même, avec un medley de Franck Michael. je t'attends. C'était ma première chanson, c'était mon premier petit succès, c'était dites-lui que je l'aime tout simplement. Dites-lui que je l'aime, mais que je dois partir. Un jour je reviendrai, et ce jour je pourrai encore l'aimer. L'amour parfois se flétrit et s'endort, mais de ses cendres peut renaître encore un bonheur oublié. Il tenait tant à lui donner. Sur sa guitare, il a composé une chanson où il lui disait son espoir de la retrouver. Et cette histoire à tous il a chanté. Dites-lui que je l'aime, mais que je dois partir. Un jour je reviendrai, et ce jour je pourrai encore l'aimer. Dites-lui que je l'aime, dites-lui que je l'aime. Merci beaucoup. Sans les eaux, notre bateau s'avance tout doucement. Le petit port sommeille encore. Ne croyez pas qu'auprès de moi soupire un tendre galant. Non, mais le mari le plus charmant escale à Victoria. Un jour de joie. le ciel court le long du quai, il court dans toute la vallée, il court dans nos cœurs enlacés. À Victoria, un jour de joie, la ville se réveille enfin, des chants s'élèvent soudain, sur moi tremble mon destin. Les mimosas, les seringas s'exhalent tout doucement, en me souriant très tendrement. Un beau chanteur glisse en mon cœur un trouble très inquiétant. Mon mari me dit en m'entraînant, est-ce que la Victoria, le ciel, partons, fleurs trop parfumées, partons, musique insensée, l'amour est au-delà du quai. Dans ma main, voilà, c'est là mon destin. Est-ce que Eh bien, on va continuer. Il est 15h20 minutes. Pratiquement 19 minutes et 30 secondes. On est ensemble jusqu'à 16h. Vous retrouverez ensuite quelques instants, quelques minutes RDP en direct du Portugal. Et à 16h30, vous aurez rendez-vous avec After Job et Funky. Un pot-pourri maintenant des années 50 à l'accordéon, avec l'accordéon numérique de Jean-Claude. Eh bien, on va continuer bien sûr avec l'accordéon, peut-être, oui. François Bossonnade et son grand orchestre. Et ce sera le premier morceau. Il s'intitule Gallardo. Silence. On verra ça tout à l'heure. Hein. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Ah, faut se fâcher de temps en temps. Hein. On va passer un peu d'accordéon encore avec l'accordéon Mangassini. Et c'est parti. Où ça va partir ? Thank you. bien, on retrouvera l'accordéon un autre jour. Et on va écouter M. Jean Sablon maintenant, qui va nous interpréter Mon village au clair de lune. En m'endormant avant que l'aube ne renaisse, au soir d'amour doux et charmant du joli temps de ma jeunesse, à chaque fois revient briller un paysage familier. Un champ d'étoiles pour clocher, quatre maisons, l'une après l'une, jouant dans l'ombre à chat perché. C'est mon village au clair de lune, au-dessus d'elle tout poudreux, le vieux moulin de la commune. Plein de murmures d'amoureux, c'est mon village au clair de lune. C'est là qu'un soir, bien doucement, derrière un mur, pleurant le grain, j'ai connu mon premier serment et trouvé mon premier chagrin. Aussi de tous mes souvenirs, faits de bonheur ou d'infortune, le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune. Qu'un soir bien doucement, derrière un mur, fleurant le grain, j'ai connu mon premier serment et trouvé mon premier chagrin. Aussi de tous mes souvenirs, faits de bonheur ou d'infortune, le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Claude Goati. Une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter. Que sera, sera demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera. Qui vivra, verra. Que sera, sera. On vit grandir et puis rêver. La jeune fille qui demandait. Dis-moi, mamie, si j'aimerais. Et sa maman disait. Que sera, sera, sera. Demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera. Qui vivra, verra. Que sera, sera. Quand va l'amant de ses amours, la demoiselle lui demanda. M'es-tu fidèle jusqu'à toujours? Et le garçon chanta. Que Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera, qui vivra, verra. Quand elle chante à son enfant, dans un sourire, cet air charmant, c'est pour lui dire que dans la vie, rien n'est jamais fini. Que sera, sera. Laissons l'avenir venir, que sera, sera, que sera, vivra, verra, que sera, sera, que sera, sera. Et on continue avec les chansons à Libère, et ce sera, non, c'est pas que sera, sera, mon village au bord de la mer. Y a pas d'unibris, pas de galerie, d'institut de beauté, de salon de thé, un petit cinéma, un bureau de tabac, un petit café pour les rentiers. Ce n'est pas bien grand, évidemment, au fond ce n'est pas folichon, sûrement qu'on peut trouver bien mieux, pourtant tout le monde est heureux. Dans mon village, quel beau mirage, dans mon village au bord de mer. Le ciel est si léger, l'air est tout embaumé, et dans le port les bateaux ont des voiles blanches, comme les jeunes filles en robe du dimanche. Tout vous enchante, l'oiseau qui chante, pour nous donne un concert. Sous les feuillages, dans mon village, mon beau village au bord de mer. Y a pas de pyjama, on ne connaît pas ça. Une chemise de nuit, ça nous suffit. Pas de short très court, porté en plein jour par des grands-mamans de 60 ans. Pas de gros messieurs aux genoux cagneux portant une culotte d'enfant. On laisse tout ça à ces timbrés qui flirtent quand ils viennent l'été. Dans mon village, quel beau mirage, dans mon village au bord de mer. Les garçons du pays sont solides, bien bâtis, les jeunes filles ont toutes des profils de madone. Leur petit cœur, c'est à un seul qu'elle le donne. Si lui voyage, elle reste sage, car l'amour est sincère. Il n'y a pas de partage dans mon village, mon beau village au bord de mer. Il y a un charron, il y a un maçon, pas de pharmacien, il vendrait rien. Les spécialités pour faire digérer les remèdes fameux, personne n'en veut, car le clair soleil est sans pareil. Chez nous, bien vite, il guérit tout. Un docteur s'installa une fois, mais il a fait faillite en 6 mois. Dans mon village, 12 ans le même âge, dans mon village au bord de mer. Même avec les cheveux blancs, on a toujours 20 ans, car nos cocktails, c'est le vin que chez soi l'on presse. Et nos festins, c'est une simple bouillabaisse. Venez bien vite, je vous invite, vous deviendrez centenaire. Ça vaut le voyage dans mon village, mon beau village au bord de mer. Le bonheur est entré dans mon cœur, c'est Lise Louotti. Voilà, Rockwell. Donne-moi un rhum. Mets ton linge de piste. Où jamais. On fait j'assois. Ma voilà ton rhum. Ça va. Oh, mais c'est toi, voilà. 15h42 à la pendule de la station. À la chanter. Oh, laisse-moi fumer ma pipe. Ben quoi, vas-y. Oh, non. Si, chante, ça nous ferait ton plaisir. Je ne savais rien, ni du mal, ni du bien. J'ignorais les joies de la jeunesse. Les jours s'enfuyaient sans amour, sans amis, sans espoir, sans tendresse. Et puis tout à coup ma tristesse, comme une fumée s'est enfuie. Il n'en fallait pas beaucoup plus, t'en souviens-tu, l'amour nous avait réunis. Le bonheur est entré dans mon cœur. Une nuit par un beau clair de lune, tu m'as dit quelques mots en jôleur, et nos vies désormais n'en font qu'une. J'ai compris dans tes grands yeux rêveurs que l'amour vaut mieux que la fortune. Et depuis cet instant, le bonheur pour toujours est entré dans mon cœur. Cet instant le bonheur, ah, pour toujours est entré dans mon cœur. Qu'importe où je vais, d'où je viens désormais, au hasard de ma vie vagabonde. Qu'importe les rues, les pays inconnus, qui dans l'ombre des nuits se confondent. Que dans tous les coins du monde, tu seras toujours mon amant. J'emporte avec moi ton amour qui pour toujours sera mon éternel printemps. Le bonheur est entré dans mon cœur, une nuit par un beau clair de lune. Tu m'as dit quelques mots en jôleur, et nos vies désormais n'ont plus qu'une. J'ai compris dans tes grands yeux rêves que l'amour vaut mieux que la fortune. Et depuis cet instant, le bonheur pour toujours est entré dans mon cœur. Allez, plus fort les gars. Et depuis cet instant, le bonheur pour toujours est entré dans mon cœur. Les gars, c'est la rave. Tout ça met, il n'y a plus d'animateur, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette maison? On va écouter la valse au village par Lily Duverneuil. La valse au village. Eu tô bem, eu tô cá em cima, você não vê bem. Ele tá tentando, mas eu avisei. Shake-me, shake-me, shake-me, shake-me, shake-me, shake-me, yeah. Shake-me, shake-me, shake-me, shake-me, shake-me, shake-me, yeah. Faz fogo, fogo, vem atrás e toca, toca, saca, saca. Lá embaixo dança, salsa, samba, soca. Dá no tchugo, tchugo, vai à frente e volta, volta. Yaga, yaga, mata, mata, dança, tango, break or hack. Eu tô bem, eu tô cá em cima, você não vê bem. Ele tá tentando, mas eu avisei. Shake me, shake me, shake me, shake me, shake me, shake me, yeah. Shake me, shake me, shake me, shake me, eu avisei. Que não mais eu tô a ver bem. Finges que não mais rebolas pra mim. Eu sei. No fundo queres me tocar. Ei. Tu mesma estás a enganar. Tô a dar para rijo, mas teu bumbum me põe crazy. É verdade, fico. Teu corpo põe ativo. Não atendes, mas eu ligo. Bem, eu tô-me a cagar. É verdade, fico. Teu corpo põe ativo. Não atendes, mas eu ligo. Eu tô bem, eu tô cá em cima, você não vê bem. Ele tá tentando, mas eu avisei. Shake me, shake me, shake me, shake me, shake me, shake me, yeah. Shake me, shake me, shake me, shake me. Eu avisei. Quando meu bumbum desce, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe. Tu fica só quando meu bumbum desce. Du vent joyeux, la fête aujourd'hui, mais du soleil dans le pays. Dans chaque logis, le bonheur chante et l'amour sourit. D'un bon vieux manège tourne le cortège sur l'air plaintif. D'un orgue qui traîne la même rengaine de ton fouci. Le bal sous la tente commence déjà. Un couple s'élance en se parlant tout bas. Petit pas, et de sang léger sur mon bras, ton bras. Venez, venez, chantez, chantez, tournez, tournez, valsez, valsez, rêve de plaisir. Au bal du désir, bercez, bercez, grisez, grisez, bercez, bercez, clairsez, léger, soupirez, baisez, au cœur d'enivré. Cette robe blanche par un beau dimanche tournant, tournant. Ce bras qui la frôle, ce front sur l'épaule, ses cœurs battants. Dans la même ivresse de rêve que vous. Dans ces tables faites au décor simple et doux. Gardons-en l'image au fond de nous. Souvenir trop court d'un beau jour d'amour. Et doux, gardons-en l'image au fond de nous. Et j'ai une dédicace d'accordéon, c'est Jean Ardouin, t'es dansant animé par Jean Ardouin, de la part de Gaëtan de Férol, c'est en France, hein, je vous rassure, c'est pas au Brésil, c'est la part de Gaëtan donc à Férol pour toute la famille Roust, très connue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment, et souvent des dédicaces pour Odile, pour Laurent, etc., etc. Et j'en passe des meilleurs. Eh bien voilà, il est pratiquement... Non, il reste encore 6 minutes de Bichon. Je vous laisse en compagnie d'RDP en direct du Portugal. Et vous retrouverez à partir de... Je ne connais plus toujours les horaires. À partir de 16h30, vous retrouverez Francky et son émission After Job ou After Work, c'est comme on veut. Après le travail, je traduis. Et on va écouter la dernière chanson avant de se dire bonsoir. Et ce sera Le paisible village par Jean Lumière. Dans la grande ville, tout me semble hostile et rien ne sourit à mon cœur désolé. Mais une pensée souvent caressée vient encore me consoler. Je connais un paisible village, abritant son clocher dans un val oublié. Dans le plus ravissant paysage, avec des prés verts et des ruisseaux clairs sous les peupliers. La fumée qu'on voit s'élever des toits dans l'air s'effiloche. La voix d'une cloche invite à prier. Et les gens du pays sont des sages qui, d'après le soleil, ont réglé leurs travaux. Tout est simple au paisible village, même le bonheur frais comme les fleurs et le vin nouveau. Dans la grande ville, les passants défilent entre les murs gris des sinistres maisons. Et leurs jours sont tristes, car pour eux n'existe ni récolte, ni saison. Je connais un paisible village, abritant son clocher dans un val oublié, dans le plus ravissant paysage, avec des prés verts et des ruisseaux clairs sous les peupliers. La fumée qu'on voit s'élever des toits, dans l'air s'effiloche la voix d'une cloche invite à prier. Oh, vous tous, qu'un chagrin décourage, qui peinez sans espoir dans un monde agité, allez vivre au paisible village. Seule sa douceur rendra vos cœurs la sérénité. Arc-en-ciel, il est 15h58, donc ce qui était, je vous laisse en compagnie de RDP en direct du Portrait du Gall, en attendant notre ami Francky. Bonne soirée à tous et bonne semaine, puisqu'on se retrouve simplement dimanche, à partir de 13h, de 13h à 15h30. Et on va se dire adieu. Oh non, on va pas se dire adieu, quand même pas exagérer, hein. Na na na na, na na na na. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt, il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours. Je vous dis.